Choisir pas. Putain, mais il y en a des presets. My first amp. C'est quoi ça? Par contre, il faut baisser. Tuner.